depuis moi les petits petits nous pas grandir nous travail. Nous pas grandir nous travail, dès nous apprendre trapios. Dès nous apprendre trapios, dès nous apprendre. Dès nous apprendre trapios, mais pour nous gagner nous la vie. Dans l'île du Dieu, dis-le n'est-ce pas.